On est parti pour un passo doble. Et puis après, on verra si on a encore les jambes pour faire une petite marche. Allez, c'est parti pour une valse, c'est parti pour une valse. Vous êtes toujours là. Merci. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Un rock à l'accordéon. Vous avez déjà vu ça, hein? Oui, bien sûr. Et vous aimez ça, hein? Allez, petit retour à la valse et on repart avec une marche. Oui, allez, on revient à la valse et on va la suivre, cette valse, par un slow. Thank you. c'est un passo-doble qui sera suivi par un autre passo-doble. Thank you. Tango, tango, ah, je vous aime, tango, je vous aime. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de cette première partie de l'émission. Place donc à la variété française et on commence tout de suite avec du disco. Célimène, David Martial. Ça est bien trop beau pour moi.

c'est Grand Corps Malade. Et il nous interprète une belle chanson, enfin, une de ces chansons qui sont ce qu'elles sont, comme une évidence. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a mis un beau bordel. Mais j'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur, mais moi cette fois je veux assumer. J'ai un autre problème, et peut-être encore plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi les trois prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train. Là c'est loin d'être évident, moi je sais pas comment on fait pour décrire ses sentiments. Quand on vit avec une fée, il faut avouer qu'elle a des yeux, ils sont même pas homologués. Des fois ils sont verts, des fois jaunes, je crois même que la nuit ils sont violets. Quand je m'enfonce dans son regard, je perds le là, je touche plus le sol. Je me perds profondément et j'oublie exprès ma boussole. Depuis que je la connais, je ressens des trucs hallucinants. Et je me dis souvent que j'ai eu de la chance de lui avoir plu, sinon j'aurais jamais su qu'un rire pouvait arrêter la terre tournée. J'aurais jamais su qu'un regard pouvait habiller mes journées. Je comprends pas tout ce qui se passe, y a plein de trucs incohérents. Depuis qu'elle est là, rien n'a changé, mais tout est différent. Elle m'apporte trop de désordre et tellement de stabilité. Ce que je préfère, c'est sa force, mais le mieux, c'est sa fragilité. Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai redécouvert comme ça réchauffe d'avoir des sentiments. Et si tu me dis que c'est beaucoup mieux de vivre sans, tu mens. Alors je les mets en mots et tant pis si mes potes me chambrent. Moi je m'en fous, chez moi il y a une sirène qui dort dans ma chambre. J'avais une vie de chat sauvage, elle l'a réduite en cendres. J'ai découvert un bonheur tout simple, c'est juste qu'on aime être ensemble. On calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Y'a des sourires et des soupirs, y'a des fous rires à en mourir. On peut s'ouvrir et s'en rougir, déjà se nourrir de nos souvenirs. Les pièges de l'avenir nous attendent, mais on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer en première classe. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer, en première classe. Mes amours à moi, avec Didier Barbelivien. Balançoire, toboggan, reine des neiges, paire de gants, les manèges, cerf-volant, j'avais oublié tout ça. Les histoires, les images, les sorcières, les rois mages, Père Noël, rouge et blanc, c'était il y a si longtemps. Amour de moi, qui glisse ton enfance entre mes bras, qui chante douce France et qui s'en va, qui s'en va. Amour de moi, qui signe ta présence à pas de chat. Je ne savais rien de l'absence avant toi, avant toi. Cours de danse, cours d'école, quand tu danses, pigeons volent. Les romances sans parole, j'avais oublié tout ça. Les manteaux, pulls de laine, les doudous, Clairefontaine, les vélos, les étangs, c'était il y a si longtemps. Amour de moi, qui glisse ton enfance entre mes bras, qui chante douce France et qui s'en va, qui s'en va. Amour de moi, qui signe ta présence à pas de chat. Je ne savais rien de l'absence avant toi, avant toi. Amour de moi, qui glisse ton enfance entre mes bras, qui chante douce France et qui s'en va, qui s'en va. C'est une dédicace un peu pénible, particulière. On le surnommait le Pouli. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi. Mais le Pouli, Jean-Paul Piazzalonga, vient de nous quitter après une longue maladie. Il n'a pas pu résister à cette maladie. Et il a dit au revoir à toutes celles et à tous ceux qu'il aimait, particulièrement à son épouse Maryse et bien sûr à toute sa famille. On se rappellera de lui, de sa jovialité, de sa gentillesse, parfois aussi de ses colères, mais c'était Jean-Paul et on l'aimait. On l'aime toujours d'ailleurs. Il nous manque déjà. Salut Jean-Paul. Surtout là-haut, continue à regarder ta petite famille, car elle t'aime. S'il existe une autre vie après la vie, dans un autre monde, dans une autre vie, que ce soit sur terre, au ciel ou l'enfer, ce n'est qu'avec toi que je veux la refaire. S'il existe une autre vie dans l'au-delà, que j'y vive sans un sou ou comme un roi, qu'importe les lois, la couleur des hommes, qu'importe l'endroit, si je suis avec toi, si je pouvais choisir ma vie de demain, sans hésiter, je te reprends la main. Me réveiller ton corps contre mon corps, aimer chaque jour de plus en plus fort, regarder instants merveilleux, t'aimer, t'aimer, t'aimer, rien que t'aimer, voilà le chemin que je choisirai, s'il vous plaît. jour et nuit s'il le faut. Priez le bon Dieu, Dieu et tous ses saints, pour être avec toi dans la vie de demain. Dans ce monde dont on a toujours parlé, mais ce monde d'où l'on ne revient jamais, soi-disant meilleur, mais qui nous fait peur, être à tes côtés toute l'éternité. Si je pouvais choisir ma vie de demain, sans hésiter, je te reprends la main. Me réveiller ton corps contre mon corps, aimer chaque jour de plus en plus fort. Regarder le soleil briller dans tes yeux, revivre tous ces instants merveilleux. Je te reprends la main. Me réveiller ton corps contre mon corps, aimer chaque jour de plus en plus fort. Regarder le soleil briller dans tes yeux, revivre tous ces instants merveilleux. Claudia Young, c'est un slow. Tu es parti, dich liebe dich. D'une conversation English pour arriver juste en français à me faire dire pour plaisanter je t'aime mon amour. C'est là que tout a commencé. Tout ce que je veux, c'est te faire rester. Et Berlin ressemble à Venise, la tour Eiffel en tour d'épices. Plus rien n'a vraiment d'importance. C'est toi qui me portes la chance. Tant pis si Paris fait la gueule. Si tu ne te sens pas seul, j'attends la fin de ce beau jour. Ce soir je t'aime mon amour. Comme si des châteaux en Espagne existaient bien dans mon Allemagne. Le monde a perdu sa mémoire quand je t'ai dit sans le vouloir, je t'aime mon amour. Et Berlin se moque de Rio, des îles, des rêves, des pays chauds. Plus rien n'a vraiment d'importance. C'est toi qui me portes la chance. Tant pis si Paris fait la gueule. Ici tu ne te sens pas seul. J'attends la fin de ce beau jour. Ce soir je t'aime mon amour. tour Eiffel en tour d'épines. Plus rien n'a vraiment d'importance. C'est toi qui me portes la chance. Tant pis si Paris fait la gueule. Ici tu ne te sens pas seul. J'attends la fin de ce beau jour. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Vive le douanier Rousseau, avec la compagnie créole qui nous emmène dans les îles. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber. On va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui voient du lait de coco. Dalida, Dalida que l'on regrette énormément avec Laissez-moi danser. Le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Je vis d'amour et de risque. Quand ça va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only s'appelle Monsieur Yves Montand et il nous chante Le Carrosse. On allait ensemble à l'école communale, c'était le gamin qui ne jouait jamais. Il avait la tête au milieu des étoiles, nous les chefs indiens, il nous ignorait. Il attendait son carrosse. Il attendait ses chevaux, tablier noir, cheveux en brosse. On l'appelait Monsieur Carabosse. Il s'inventait des paroles qui visitaient son château. Et pour promener sa bonne, la bonne Yvonne, il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Je l'ai retrouvé dans la rue de Courcelles, alors qu'il vendait des pierres à briquet, et se baladait couronné d'étincelles, comme un Louis XIV. Après un banquet, il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Très fier de lui et de ses noces, avec la fille d'un roi d'Écosse. Elle était là sans couronne, pour amuser les badauds. C'était toujours sa bonne, la bonne Yvonne. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Et le temps passait, chambardait la terre, on démolissait, on rebâtissait, la fortune roulait dans un bruit de tonnerre. Lui vendait toujours ses pierres à briquet. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. C'est merveilleux, un rêve de gosse, quand on y croit de toutes ses forces, et Cendrillon en personne dormait le soir au château. C'était toujours sa bonne, la bonne Yvonne. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Le lac majeur, vous savez où il se tient? Eh oui, et c'est bien là-bas, le lac majeur, c'est bien en Italie. Et c'est Mort Schumann qui nous invite. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. En glissade et bombardement. C'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Thank you. neige sur le lac majeur. Les Rita Mitsouko, restez avec moi. ma symphonie avec Tony et Claudio, une ambiance italienne bien sûr. Ma chérie, ma symphonie, c'est le petit oiseau sur le bord de son nid, regardant l'infini. Ma symphonie, c'est l'amant qui attend avec le cœur battant celle qui ne viendra pas. Ma symphonie, c'est la veuve éplorée qui, malgré ses années, n'a jamais oublié. Parfois c'est beau, parfois c'est dur, rien de nouveau, c'est la nature. Amour, espoir et tragédie, bonheur, malheur, c'est la vie. C'est la main qui attend avec le cœur battant celle qui ne viendra pas. Ma symphonie, c'est la voix éplorée qui, malgré ses années, n'a jamais oublié. Parfois c'est beau, parfois c'est dur. Rien de nouveau, c'est la nature. Amour, espoir et tragédie. Bonheur, malheur, c'est la vie. Michel Chevalier, on se retrouve comme on se quitte. Un jour, on veut le laisser tomber. toi, je me suis éloigné. Ailleurs, on ne m'a rien donné. J'étais un homme heureux sans le savoir. Enfin, je l'ai compris ce soir. On va aller voir les petites femmes de Pigalle. Eh oui, avec Serge Lama. Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Oui, je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens cigale. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je suis comme un bambin. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Oui, je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les maquereaux du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit cours, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Oui, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares, j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir, par hasard, j'ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. C'est bientôt la fin. Eh oui, Simon Collier. Le vide que tu vas laisser. Te voilà femme maintenant. Pour moi tu restes mon enfant. Je revois ta mère te bercer. Le jour, la nuit, quand tu pleurais. Tu venais sur mes genoux, quand tu t'accrochais à mon cou. Je te racontais des histoires, tu riais, t'étais belle à voir. C'est ton frère qui va s'ennuyer, je crois que tu vas lui manquer. Il aimait tant te taquiner, histoire que tu lui cours après. Bien sûr que tu nous écriras, que très souvent tu reviendras, pour que tu ailles ou que tu sois, jamais tu ne nous oublieras. Mais rien ne pourra remplacer le vide que tu vas laisser. Nous resterons ta mère et moi, seul à penser souvent à toi. Je crois que ta mère va pleurer quand tu vas lui annoncer. Tu étais pour elle une amie, tu lui confiais un peu ta vie. Elle revivait à travers toi ce qu'elle s'imaginait autrefois. Si parfois elle t'a fait pleurer, ce n'est que pour ton bien, tu sais. Bien sûr que tu nous écriras, que très souvent tu reviendras. Où que tu ailles, où que tu sois, jamais tu ne nous oublieras. Mais rien ne pourra remplacer le vide que tu vas laisser. Nous resterons ta mère et moi, seul à penser souvent à toi. Toi aussi un jour tu verras, un jour on s'en reparlera. Quand les enfants que tu auras te quitteront, tu comprendras. Que rien au monde peut remplacer le vide qu'un enfant peut laisser. Ce jour-là, tu te souviendras de ce que disait ton papa. Et là, on n'y échappe pas. C'est la fin de cette émission. C'est la fin et on termine avec Licence 4. Viens boire un petit coup à la maison. Viens boire un petit coup à la maison. C'est la fin de cette émission. Vous la retrouverez mardi prochain, dans sa rediffusion. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur le 91, sur le 102.5, sur GFM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. Vous écoutez Sorgia FM, la radio.